et bien-être. Une émission proposée par Jacqueline. Aliments et bien-être. Ou comment entretenir sa santé à travers son alimentation. Aliments et bien-être. Que ton aliment soit ton médicament. Chers amis auditeurs et auditrices, c'est Mélissa à l'antenne pour vous accompagner. Nous sommes sur les 91.6 de la bande FM en Martinique. Merci à tous ceux qui nous écoutent. Aujourd'hui, au programme, nous parlerons de la grenade. Ce fruit a plein de choses à nous apprendre et il nous fera voyager parce que nous avons avec nous Advent Life, la radio adventiste de la métropole. Ils nous reçoivent également en direct. Advent Life, bonjour. Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, ça passe bien. Ah, alors, bonjour à tous, bonjour à ceux qui écoutent, ceux qui est un peu tôt chez vous, ici, les 14h. Et voilà, tout le monde est connecté avec vous pour participer à ce programme que vous proposez aujourd'hui. Très bien. Alors, comment est le temps chez vous? Alors, le temps est, j'ouvre la fenêtre, grisâtre et il fait froid. 4 degrés, à peu près. Eh bien, écoutez, nous vous envoyons des rayons de soleil afin que vous puissiez avoir un peu de chaleur dans le cœur. Ah, merci beaucoup, ça fait plaisir. Du coup, de votre côté, comment est le temps? Eh bien, depuis quelques jours, un petit peu frais, mais nous avons le soleil qui continue à dominer. Ah, bon, mais très bien. Merci beaucoup, en tout cas, pour le soleil et la chaleur. Avec plaisir et bon courage. Nous sommes ravis de partager ce temps avec vous. Merci, ben nous aussi. Alors, nous allons parler, comme je l'ai dit, de la grenade. Nous aurons besoin d'une personne qui s'y connaisse parce que je n'ai pas les compétences nécessaires pour ça. Et c'est pourquoi nous avons avec nous Madame Marianne Jacqueline, conseillère en naturopathie et qui a également œuvré dans le domaine médical. Madame Marianne, bonjour et bienvenue. Bonjour Mélissa, bonjour aussi à Louisiane, à la technique. Bonjour à tous nos amis Advent Life, de la métropole. Ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur d'être avec nous en ce matin. Alors, c'est un privilège pour nous de partager ce moment spécial qui est notre thème, comment entretenir sa santé par le biais de l'alimentation. Alors, en ce matin, nous allons parler de la grenade et ensuite, nous allons peut-être faire une petite pause et par la suite, nous pourrons avoir nos échanges, que ce soit la métropole, que ce soit la Martinique. Alors, sachez, au niveau de la grenade, on dit que c'est un fruit, bien sûr, du grenadier. On dit que l'arbre de la famille de Lytracées, considéré comme un fruit assez spécial. J'espère que tout un chacun, nous avons quand même eu cette chance, ce privilège de déguster ce bon fruit. C'est vrai que, effectivement, c'est un fruit qui tente d'être rare, mais cependant, qui revient un peu, dans le commerce. Et bien sûr, il faut aussi en planter. Alors, c'est un fruit qui est très riche en vitamine C. Elle est tonifiante et elle peut être consommée soit sous forme de fruits ou à travers, être transformée en jus. Alors, c'est cela que nous allons voir en ce matin. Il faut savoir que la grenade apporte près de 40% de nos besoins quotidiens en vitamine C, très riche en polyphénol. C'est un antioxydant naturel qui va retarder le vieillissement des cellules. Également, elle va imbiber le développement de l'artériosclérose. Alors, on verra la graisse au niveau de nos artères. Elle va aussi influencer sur l'hypertension et réduire le risque de maladies cardiovasculaires que nous allons voir également ce matin. Et bien sûr, en médecine aussi traditionnelle, surtout pour les hommes, la grenade aussi soigne les troubles d'érection. Également pour les toux persistantes, surtout maintenant avec la période fraîche, on verra comment procéder aussi. Pour les problèmes de diarrhée, pour les problèmes de colique, de la fièvre. Et aussi, elle est employée comme vermifuge. Alors, pour les indications thérapeutiques usuelles, il faut savoir que la grenade aussi va réduire la pression sanguine, notre pression sanguine. Par rapport à tout ce problème que nous rencontrons maintenant, les problèmes de circulation, c'est un fruit aussi qui est très concentré en polyphénol. Alors, c'est effectivement un élément qui va aussi aider énormément. On verra sur quel stade que ça aide. Et également, elle pourrait aussi avoir un effet positif également sur les maladies cardiovasculaires, comme je disais, pour les problèmes aussi d'arthrite et certains cancers, notamment le cancer de la prostate et celui du sein. Hein. Ce sont effectivement des maux qui sont effectivement en progression hein, maintenant. Et nous allons voir comment procéder pour cela. Et bien sûr, aussi d'autres indications thérapeutiques démontrées également. Que ce soit au niveau de l'homme, que ce soit au niveau de l'animal également, on a fait aussi des tests dessus, on voit que la gonade aussi pourrait retarder le développement de certains cancers, que ce soit urinaire, digestif, et elle permet aussi de ralentir la formation des plaques d'athérome. Hein. Alors, effectivement, les plaques comment dire, de graisse hein, qui se trouvent au niveau des artères, et aussi, elle aussi améliore l'état des diabétiques du type 2. Alors, vous voyez que même les problèmes aussi de diabète, hein, vous voyez ce simple fruit, hein, comment elle peut jouer également sur tous les problèmes particuliers. Aussi, nous voyons que qu'à travers la grenade aussi, c'est un fruit qui aide au niveau des rhumatismes inflammatoires. Hein. Nous avons beaucoup aussi ce problème ici, que ce soit aux Antilles et ailleurs. Maintenant, on se constate qu'il y a beaucoup de problèmes de rhumatismes, d'inflammation. Et c'est le fruit, on peut dire, par excellence. Hein. Il y a beaucoup de vertus dans d'autres fruits également. Mais c'est un fruit, effectivement, dans lequel où Dieu a mis beaucoup de vertus pour pouvoir traiter ce problème. Alors, aussi, à travers ce fruit, nous voyons que ce fruit possède beaucoup de vitamines. Alors, s'il faut parler aussi des vitamines que contient ce fruit, que je tiens quand même à en parler parce que c'est vraiment important, on retrouve la vitamine B3, hein, la vitamine du groupe B. Et nous savons que, juste pour information, au niveau de la vitamine B3, c'est une vitamine anti-âge, hein, anti-vieillissement. Hein, on a besoin. Hein, personne, ça intéresse, du personne coup. Personne ne veut vieillir. Hein, et ça rajeunit, effectivement, parce que c'est une vitamine, effectivement, qui va jouer sur tous les problèmes de peau. Hein, et surtout la femme aime avoir, comment dire... La peau bien lisse, bien tirée, bien nette. Mesdames, à vos grenades. Et à travers aussi cette vitamine également, hein, comme j'ai dit la vitamine B3, elle va jouer aussi sur la pigmentation de la peau. Hein, parce que nous voyons maintenant beaucoup ce problème aussi, hein, effectivement, ce problème qu'on ne voyait pas, mais maintenant, c'est assez récurrent de voir tous ces problèmes de pigmentation de la peau. Et à travers ce fruit, hein, Dieu a pourvu une vitamine, hein, la vitamine B3, qui va aussi aider à ce niveau, hein, équilibrer D'accord. le corps hein, à ça. Et aussi, on voit que à travers ce fruit aussi, cela aussi va jouer sur le cholestérol, disons le mauvais cholestérol. Hein. Vous voyez, un seul fruit qui recèle autant de propriétés. Hein. De vertus. Oui. Mm-hmm. Alors, aussi pour la vitamine B5 qu'on retrouve aussi dans ce fruit, c'est un fruit effectivement qui va agir en tant que comme un détox, hein, qui va nettoyer le foie, parce que en principe, c'est l'un des premiers organes qu'il faut commencer à nettoyer, qui va permettre de nettoyer à fond pour enlever toutes les toxines, hein, tout ce que nous respirons, tout ce que nous mangeons, et qui va nettoyer. Et il y a aussi un élément qui m'a beaucoup plu, hein, hein, effectivement, à travers mes petites recherches également, sur ce fruit par rapport à la vitamine B5. On nous dit effectivement, c'est par rapport à cela aide beaucoup au niveau, par exemple, ceux qui ont des problèmes, qui se disent, bon, ben j'ai des cheveux grisonnants, les cheveux qui blanchissent. Effectivement, on a fait des recherches, on a constaté qu'il y a, quand il y a un manque hein, de cette vitamine, effectivement, on voit apparaître ces cheveux blancs. D'accord. Hein? Alors, on pensait que c'était inévitable. Bah, on arrive à un temps voilà, où voilà. Hein? Mais ça nous rassure. Exactement. Hein? On va faire le plein de vitamine B maintenant. Alors, effectivement, bien sûr, à travers ce fruit, ça va, comment dire, nettoyer le corps, détoxifier le corps. Hein? Et bien sûr, le corps, effectivement, pourra mieux assimiler tous les minéraux, toutes les vitamines qu'il faut. Et bien sûr, comment dire, empêcher un petit peu cette carence. Hein, parce qu'on va manger ce fruit et qui va apporter l'élément que le corps a besoin, hein, et qui va retarder, bien sûr, ce problème. Parce que, bon, c'est vrai, faut pas non plus se leurrer. Bon, on prend de l'âge, forcément, bon, on voit apparaître un peu ces cheveux blancs qu'on essaie de cacher au plus que possible. Hein, mais sachez qu'à travers ce fruit, on peut vraiment y remédier à ça également. Alors, il y a aussi une autre vitamine aussi qui m'a plu beaucoup, hein, quand j'ai fait ses recherches. Il s'agit de la vitamine aussi B6 que contient aussi ce fruit. Alors, on dit qu'à travers cette vitamine B6, hein, nous voyons que cela aussi permet de renouveler nos hormones, permet de renouveler aussi nos globules rouges, hein, parce que souvent, effectivement, on se plaint aussi des problèmes d'anémie et autres. Hein, et ça permet aussi d'augmenter notre système immunitaire, le rendre plus fort. Hein, surtout par rapport, comment dire, à toutes les agressions que nous avons au niveau de l'air, au niveau de ce que nous mangeons, parce que quelquefois on mange certaines choses, mais on ne sait pas effectivement tout ce que ça comporte. Hein. Et à travers effectivement ce fruit, en faisant une consommation, mais vraiment, comment dire, ça fait partie. Normalement, c'est un fruit qui devait faire partie de notre alimentation. Hein, quelquefois, on va chercher des fruits très très loin où on prend certaines choses, alors que nous avons, que Dieu a mis, comment dire, à nous porter. Un fruit, effectivement, qui pourrait vraiment aider énormément dans ce domaine. Alors, voilà un peu, en gros, j'ai bossé un petit peu le fruit de la grenade. On pourra encore étendre dessus. Alors, j'espère que vous avez déjà pris note. Et si toutefois, vous avez encore d'autres questions sur ce fruit, ou encore si vous avez encore par rapport à je sais pas, un besoin personnel, vous voulez poser une question par rapport à vous, hein? Bien sûr, j'essaie de répondre aussi en général. Pourquoi pas? Parce qu'il faut savoir que notre aliment devait être notre médicament. Et souvent, on va chercher ailleurs des solutions, alors que quelquefois, près de la maison, on a la solution. Hein. On ne la sait pas. Hein. Et quelquefois, bon, c'est peut-être un manque de connaissances aussi, hein, aussi. Mais c'est bon, effectivement, de pouvoir revenir à la source. Parce que le moment est venu de revenir à la source. Et c'est vrai, progressivement, je constate que certains, effectivement, font, comment dire, comme le saumon, comme on dit, hein, qui revient, hein, hein, qui revient un petit peu dans les rivières, qui revient un petit peu à la source. Mm-hmm. Eh bien, c'est pareil pour nous. Hein, Dieu a mis la nature. Et c'est à travers la nature que nous devrions aussi nous soigner. Hein, ça, c'est très important. Et on verra ça en long et en large à travers vos questions que nous aurons, bien sûr. Et aussi, ça fait chaud au cœur de savoir que nous ne sommes pas seuls ce matin, que nous avons avec nos amis Adelaïs avec nous, hein, et qui pourront aussi participer avec nous et avec grand plaisir. Très bien. Alors, Madame Marianne, vous restez avec nous pour répondre aux questions de nos amis auditeurs. Si vous voulez échanger, parler d'un problème plus personnel, il vous suffira de composer pardon, le 05 96 60 87 42 05 96 60 87 42 et vous serez en direct avec nous pour poser toutes vos questions. Juste avant que nous soyons de la métropole ou de la Martinique, nous allons partir pour une petite balade musicale et nous nous retrouvons tout de suite après. Espérance FM. encore plus d'espérance. Encore plus d'espérance. Nous revoici, nous revoilà en direct sur les 91.6 d'Espérance FM, de la bande FM et également @Ventlife, la radio de la métropole. Nous avons un appel. Allô, allô? Oui, bonjour. Bonjour. Oui, je m'appelle Jenny. Jenny. Oui, j'ai écouté, c'est-à-dire que j'ai pas entendu le début de l'émission, donc je ne sais pas de quel fruit on a parlé. Alors, on a parlé de la grenade. Comment? La grenade? Oui. Oh, c'est un fruit que j'aime bon et beaucoup et j'utilise aussi beaucoup même en jus. D'accord, je vous remercie. D'accord. Et bonne continuation, ce sont des bonnes choses, bonnes expériences pour les auditeurs. Merci beaucoup. D'accord. Nous sommes en radio de la métropole. Nous avons un appel. Allô, allô. Alors, est-ce que nous avons un autre appel? Oui, nous avons quelqu'un à l'antenne. Allô, allô? Oui, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Qui est avec nous? Oui, je suis Marianne. Marianne, tu nous appelles oui. D'où? Chelchet. Alors, la Martinique, très bien. Oui. Alors, dis-nous tout. Bon, je suis créole, on m'a parlé. Pas de problème. Bon, et grenade, c'est un fruit, moi, content en pile. Mais les moitiés petits, moi, ça, je t'ai fait oui, mais depuis la poire, mais mon passage, pour actuellement, si un bagaille qui peut servir. Mais fouillé, moi, quand j'ai mangé, mais et puis la poire, si manière pour nous servir aussi. C'est à moi qui ai voulu ça. Ok, pas de problème. D'accord, oui. Merci beaucoup. D'accord, au revoir. Au revoir, bon Dieu, bénis les autres. Ok, bye. Merci. Alors, je répondrai à l'auditrice. Effectivement, au niveau de la pelure, bon, déjà, premièrement, étant donné que c'est quelque chose d'assez dur, on conseille, bien sûr, de bien laver, de bien frotter, hein, quand c'est d'écorce. Et il faudrait quand même s'en servir de prendre une petite quantité, quand c'est, parce que c'est une écorce qui est assez amère. Hein, c'est une tout petit bout qu'on prendra. Si, par exemple, on a un problème de toux, hein, on conseille de prendre plus l'écorce. On peut faire bouillir et faire un gargarisme avec cela. Hein, ça, c'est pour le problème, comme je disais, de toux. Et encore aussi... pour les problèmes aussi comme vermifuge, hein, que ce soit... alors là, par contre, je vais plus conseiller vermifuge plus adulte, hein, pas enfant, parce que c'est assez fort quand même pour un enfant, plus pour les adultes, parce que aussi les adultes aussi, ça arrive, ils ont ce problème aussi, hein, de ver, comme on dit chez nous, hein, parasites. Alors... on prendra, bien sûr, comme j'ai dit, un tout petit bout, à peine, comment dire, la valeur d'un tout petit doigt, hein, qu'on va faire bouillir et qu'on va boire, serait-ce au moins 5-6 jours, hein, pour les problèmes de parasites. Donc, on prendra ainsi. Voilà. J'espère que j'ai répondu à l'auditeur ou encore à l'auditrice. Bon, si elle a d'autres questions, elle peut toujours rappeler. Et donc, ça, c'est avec la pelure de la grenade. Voilà, de la grenade, hein, puisqu'on peut servir, bien sûr, que ce soit l'écorce, que ce soit le fruit, hein, que ce soit le fruit. Bon, on s'en sert aussi le feuillage, on se sert également de la fleur, hein, parce qu'effectivement, tout le fruit, hein, tout le fruit, effectivement, a une portée médicinale et qui aide au niveau du corps. Hein, ça dépend le problème que nous avons. Donc, on ne jette rien. Voilà, on ne jette rien, exactement. Hein. C'est un fruit assez spécial pour ça. Hein. Très bien. Oui. Alors, on rappelle le numéro pour nos amis auditeurs et auditrices, le 05 96 60 87 42. C'est le numéro à composer pour être en direct avec nous et poser toutes vos questions à Madame Marianne concernant la grenade. 05 96 60 87 42. Oui, alors je disais bien sûr que ce soit au niveau, comment dire, on va prendre ce fruit, bien sûr, pour pouvoir en se traiter. Alors, on peut poser des questions sur la grenade, mais je disais aussi, on peut aussi, si on a d'autres questions particulières, on peut aussi la poser. Je crois qu'on a un appel. Allô? Allô, allô? Oui, bonjour. Allô, bonjour? Oui. Oui, qui est avec nous? Oui, oui. Alors, on a un petit souci, on ne reçoit pas très bien. Oui, oui, j'ai un petit problème de téléphone. C'est un téléphone, ça coupe quand on parle. Ça coupe, c'est un vieux téléphone, ça coupe. Mon téléphone, même, je l'ai mis en réparation. Mon c'est un vieux que je sais. Voilà, mais ça coupe. D'accord. Vous là, on entend quand même un peu mieux. Oui, ça va. Mais ça coupe, hein, quand on est en train de parler, ça coupe. Excuse-moi. Oui, d'accord. Je veux dire, oui. C'est pour la question que j'ai entendue là. La grenade. Oui. Je peux parler? Oui, allez-y, on vous écoute. Oui, c'est que comme je suis des fois constipée, je voulais savoir est-ce que c'est bon pour la constipation, si je peux manger des graines, tout. Alors, pour la constipation, ce serait plus le jus. D'accord. Ce serait plus le jus. Alors, à ce moment-là, alors je conseille quelque chose soit comment on se traite avec la grenade. Par exemple, vous pouvez prendre deux grenades. Hein, comme je disais, par exemple, par rapport à tout ce que j'ai cité ce matin, pour tous les problèmes, vous prenez deux grenades. Alors, quand vous allez prendre les grenades, vous allez prendre les graines et vous allez prendre également le petit parchemin qui se trouve aussi à l'intérieur. D'accord. Parce qu'effectivement, c'est vrai qu'au niveau du parchemin, il y a une petite amertume, mais effectivement, c'est ce problème aussi qui va aussi agir. D'accord. Voilà, il faudrait mettre. Hein. Alors, on va mixer également ces fruits et on pourrait, comment dire, faire par exemple au moins pour 1 litre. Hein, il faudrait ajouter de l'eau, hein, parce que ce sera pas trop, on est trop concentré. Et on va boire au moins un demi-verre. Hein. Vous avez un grand verre, vous allez prendre un demi-verre et vous pouvez étendre cela, hein, que ce soit, je me permets par rapport à ce que vous avez dit, mais par rapport à pour tout le monde, par exemple, pour bien se traiter, hein, on va peut-être prendre un petit verre et on peut l'étaler au moins sur 15 jours. Si vraiment on a des problèmes particuliers et qu'on veut, comment dire, se soigner de manière naturelle, on va le faire sous une petite durée. D'accord, merci. D'accord ? Voilà. D'accord. Et puis, bien sûr, s'il y a problème aussi de constipation, il y a l'alimentation aussi qu'il faut jouer dans le sens où manger beaucoup de produits verts, boire beaucoup d'eau aussi qui va aussi agir au niveau de ce problème. D'accord. D'accord ? Merci. OK. D'accord. Bonne journée. Merci. Au revoir. Merci beaucoup. Alors, on a notre appel ? Non. On continue. Donc, on rappelle le numéro pour ceux qui nous rejoignent à l'instant. C'est le 05 96 60 87 42 que vous devez composer pour être en direct avec nous et nous poser toutes vos questions, que vous soyez de la métropole ou de la Martinique, puisqu'on le rappelle, nous avons avec nous Advent Life, la radio adventiste de la métropole. Nous parlons de la grenade aujourd'hui. Nous avons avec nous Madame Marianne, qui est conseillère en naturopathie. Oui. Alors, je disais, à travers ce fruit également, que nous pouvons traiter beaucoup de problèmes particuliers, je crois qu'on a un appel, on va le prendre. Nous avons quelqu'un avec nous. Allô, allô? Allô, bonjour. Bonjour. Bonjour. Alors, c'est Denise de Fort-de-France. Denise de Fort-de-France. Alors, la Martinique est bien connectée, c'est bien. Ah oui. Alors, je dirais que c'est un fruit que j'aime beaucoup. Mm-hmm. Quand c'est la saison, j'en mange tout le temps. Je mélange même avec la myrtille. Bon pour les yeux. J'aime tout ce qui est fruits rouges. Et je sais que c'est bon pour les parasites, les vers solitaires. Ça les élimine, l'écorce. Exactement, comme je l'ai cité. Oui, exactement. Oui, parce que je cherche à savoir les propriétés. D'accord. Et on utilise l'écorce des fruits et aussi les fleurs. Les fleurs aussi. C'est bon aussi pour les gens qui ont des diarrhées. Mm-hmm. Oui, la gastro-entérite. Exactement. Les coliques. Voilà. Et puis, c'est aussi bon pour pharyngite et pour les gens qui ont aussi des amygdalites. Effectivement, j'en ai cité, effectivement, pour les problèmes aussi. À ce moment-là, on fait des gargarises avec l'écorce, hein, quand il y a des problèmes de tout à ce niveau, hein, quand on a ce problème. Mais cependant, comme je disais, pour que vraiment ce fruit soit thérapeutique, il faut le prendre, comment dire, sur une petite durée. Hein, c'est pas simplement manger juste aujourd'hui le petit fruit de grenade. Il faudrait faire une petite cure. Hein, c'est ce que je vous conseille en ce matin. Hein. Alors moi, je conseille à tous nos amis auditeurs, auditrices, que ce soit Martinique, Guadeloupe ou bien la France, partout tous ceux qui écoutent, de pouvoir faire cette expérience avec ce fruit. Hein. Vous prenez une grenade, comme je disais, vous prenez deux grenades. Grenade, vous mixez, vous faites au moins un litre et vous essayez de d'étaler ça sur, comme je dis, bon, bien sûr, il faut renouveler à nouveau le jus, hein, mais de le faire au moins sur 15 jours. On prend une petite quantité, un petit, disons, demi-verre par exemple, mm-hmm. on prendrait tous les matins. Et vous verrez. Donc, ça n'a pas le même effet quand on mange le fruit sans écraser les graines oui. que quand on le mixe. Oui, mais je parle dans le sens où on pourrait le faire comme ça, comment dire, quand on n'a pas de problème particulier. Mais quand on a un problème particulier, mm-hmm. imaginez-vous manger une grenade, chaque fois pour une grenade, l'éplucher pendant 15 jours. Hein? Alors, tandis que qu'on a le jus, d'accord, on a le jus, et on le prend chaque matin rapidement, parce que bon, il faut aller avec par rapport à son contexte, hein, on travaille. Le matin, on va mm-hmm. prendre un petit rapide, jus, voilà. Il faut être efficace. Voilà, il faut être rapide, comme on me dit. Et on prend son petit jus le matin pour pouvoir en même temps se soigner. D'accord? Dites-moi. Oui, je vous écoute. Quand on a des vers et qu'on veut les éliminer, est-ce que c'est pas une bêtise? Parce que l'homme a été fait de terre et dans la terre, il y a des vers de terre. Donc nous avons automatiquement des vers. Est-ce que c'est normal de les avoir ou anormal? Bon, il y a vers et vers. Comment dire, vous savez que dans le corps, effectivement, comme si on disait, vous avez des vers naturels, hein, vous avez des probiotiques au niveau du corps, que le corps, les bonnes bactéries, voilà, je cherche le terme, nous avons des bonnes bactéries, d'accord, bien sûr qu'il faut conserver, mais à travers ce que nous mangeons aussi, hein, le corps également produit ce qui est de mauvais, hein, et ce qui est de mauvais, il faut les éliminer, on n'a pas le choix. Mais je parle des mauvais, pas les bons. D'accord. Vous effectivement, à travers ce fruit, on peut éliminer les mauvais. D'accord. Ok. Mais en tous les cas, nous n'avons pas de grenadier ici en grande quantité. Ici, quelques personnes, on voit chez l'habitant qu'il y a des grenadiers, mais les grenades sont petites. Sauf à Gaudissa, il y avait une dame qui avait un grenadier qui pondait une grosse grenade. Mais oui. Jamais elle ne vous donnait. Elle oui. n'a fini par le couper. Oui, elle n'a fini par couper. Oui, mais l'intérêt, c'est de replanter. C'est ça, ces fruits, les fruits qui disparaissent. C'est ça notre rôle à nouveau, hein, de replanter ces fruits qui nous soignent. Il ne faudrait pas attendre, effectivement, d'avoir des problèmes. Mais avoir ces fruits à disposition, c'est une richesse. Je crois oui, qu'on ne nous appelle. On ne trouve pas les fleurs, parce qu'on dit qu'il faut faire des incisions avec les fleurs. Oui, pour les fleurs, pour l'instant, je ne vais pas trop prendre. Je vais plus rester sur les fruits. Je crois qu'on a notre appel, on va prendre notre appel. On te remercie d'accord. beaucoup hein, pour ton témoignage, d'accord merci. Ça fait plaisir. Et puis que Dieu vous bénisse. Pareillement. Merci pour ces informations. Il n'y a pas de problème. Au merci revoir. Beaucoup, Denise. Au revoir et bonne journée. Nous avons un autre ami auditeur avec nous. Allô, allô. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour. C'est Chantal de Fort-de-France. Chantal de Fort-de-France, on t'écoute. Oui, je souhaiterais savoir comment savoir que la grenade est... Quand on achète en supermarché, comment la choisir, comment savoir quand elle est mûre, quand elle est prête à la consommation? Bon, effectivement, c'est vrai, il y a la merci, couleur. Je vous écoute à la radio. D'accord, très bien. Problème. Merci pour la question. Au revoir. Oui. Alors, effectivement, il faut bien voir de la texture, hein. Il faut bien la regarder dans le sens, bon, il faut qu'elle soit déjà bien rouge, hein. Et ensuite, si on a déjà, on n'a pas le pan, hein. On n'a pas le choix, il y a des fois, il y a des fruits, il ne faut pas trop palper, mais celui-là, il faut quand même palper. Et puis, on arrive un petit peu à distinguer. Hein. Effectivement, vous pouvez peut-être comparer avec d'autres qui sont déjà présents, hein, ceux qui sont très, très durs par rapport à la couleur. Et puis, il y a beaucoup d'éléments hein, qui, au niveau de la couronne aussi, hein, qui jouent beaucoup, hein, qu'il faut, voilà, hein, qu'il faut jouer. Hein. Et puis, bon, si vraiment on ne sait pas, on l'achète. Et on laisse un moment sur la table et elle mûrit. Hein, pourquoi? Parce que au contact de la maison, avec la chaleur de la maison, ça permet de mûrir aussi le fruit. Voilà. La grenade, il faut qu'elle soit bien rouge et puis plutôt dure. C'est ça? Quand je dis dur, un petit... Bon, je ne dis pas vraiment dur. Ça dépend, parce que ça dépend aussi de la provenance aussi de la grenade. Il y a ceux qui sont très, très fermes, mais il y a d'autres, effectivement, tout en touchant, on sent quand même mm-hmm. qu'il y a déjà la maturité. Alors, mais pour pouvoir être assuré qu'on va... Quand on va peut-être la couper, elle sera mûre, on peut laisser peut-être 2-3 jours quand même, par exemple, à la maison, hein, par mm-hmm. exemple, sinon sans fruitier, hein, pour la permettre encore de mûrir. Parce que au contact de la maison, avec la chaleur de la maison, hein, ça permet aussi de mûrir en continu le fruit. Très bien. Petite astuce. Exactement. Alors, c'est vrai qu'on parle de la grenade, mais si vous avez d'autres questions en particulier, on peut aussi... Vous pouvez poser d'autres questions, d'accord, par rapport à vous aussi. Alors, on va marquer une petite pause, un petit temps de pause. On repart en balade musicale. Nous revoici, nous revoilà. Alors, nous sommes avec Advent Life. Advent Life, vous êtes toujours là? Oui, c'est ça. Oui, avec Imola, vous m'entendez? Oui, on entend très bien, ça va. Super. En tout cas, j'apprécie beaucoup ce moment. Alors, on précise un peu, pour ceux qui nous écoutent en France, le numéro à composer, c'est un numéro de Martinique, mais voilà, normalement, c'est le prix d'un appel classique, puisque maintenant, il y a une nouvelle norme tarifaire, voilà. Très bien. Alors, est-ce qu'on peut avoir le prénom de notre ami animateur d'Advent Life? Alors, c'est David. David. David Elisabeth, voilà. Très pour bien, ceux David. Qui nous connaîtront. Super. Alors, jusqu'à maintenant, est-ce que ça va? Est-ce que vous recevez bien? Alors, on reçoit bien. Alors, c'est vrai que à l'heure où on diffuse ici, il est 14h. C'est vrai que c'est un peu particulier, puisque, bon, parfois, certains sont au travail. Voilà, en tout cas, il y a du monde connecté. Je vous donne quelques petits pays. On a le Brésil, on a la Guadeloupe, le Québec, on a Londres aussi qui est là, on a les États-Unis. Voilà, il y a un peu pas mal de monde. Et en tout cas, tout le monde est là à l'écoute. Et voilà. Très bien, c'est super. Alors, Advent Life, c'est la radio adventiste de la métropole. Voilà, c'est une radio qui est faite par des jeunes, pour les jeunes et les moins jeunes. Et voilà, donc c'est le ministère qu'on a mis en place. Oui, mais plus exactement, où en métropole hein? Alors, où en métropole? Alors, nous sommes en région parisienne, dans le nord de Paris, dans le 95. D'accord, très bien. Alors, on salue tous nos amis de la métropole qui nous écoutent en ce moment sur Advent Life. C'est ça, adventlife.fr/radio pour ceux qui veulent écouter en France. Très bien, c'est noté. Alors, on continue cette petite promenade. N'hésitez pas à nous appeler. Alors, que vous soyez de la Martinique ou de la métropole, le numéro à composer, c'est le 05 96 60 87 42. Vous nous appelez, vous serez en contact avec Madame Marianne qui nous parle aujourd'hui de la grenade, ce fruit qui a quand même pas mal de choses à nous apprendre. Nous avons un appel. Allô, allô? Alors, un peu de patience, on vous reçoit. Allô, allô? Oui, bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Voilà, je voudrais poser une question à Mme Marianne. J'ai entendu qu'elle a parlé des bienfaits de la grenade concernant qui pourrait traiter le diabète. Donc, j'aurais aimé qu'elle nous dise un peu plus comment l'utiliser. D'accord. Alors, c'est très, très simple, hein, comme je disais. Simplement, vous prenez deux grenades, hein, de belles grenades, quand je dis belles, de grosses, hein, préférence, hein, et que vous allez bien sûr bien laver, hein, parce que quel que soit le fruit, il faut bien laver. Hein, et ensuite, vous allez prendre toutes les graines, hein, mais sans oublier de prendre également le petit parchemin qui se trouve à l'intérieur. D'accord? Parce que nous savons que tout ce qui est amer, effectivement, a une bonne incidence sur le foie, aide beaucoup au niveau du foie. Alors, il faudrait mettre au moins le petit parchemin, hein, le petit duvet qui est à l'intérieur, qu'on va mixer avec. Hein, on va bien mixer. Bien sûr, on va couler ce jus. Et on va le boire, comme je disais, on va boire un petit verre tous les matins. Hein, on va essayer de boire au moins sur une petite durée. Hein, une petite durée. Bien sûr, accompagné de ce jus. Bon, c'est vrai qu'il y a l'alimentation aussi qu'il faut mettre en place, hein, c'est une hygiène alimentaire, hein, dans le sens où des petits conseils que je peux vous donner en plus, hein, à travers pour concerner le problème de diabète. Il faut savoir que ce problème, cette maladie en général, on peut dire l'ami, hein, l'ami du diabète, c'est tout ce qui est amer, hein, tout ce que le corps n'aime pas en général. Hein. Alors, vous connaissez un petit peu de tout, on pourrait prendre alors, au niveau alimentation, je pourrais dire par exemple la pamplemousse, je prends des exemples, hein, pamplemousse. On pourrait peut-être prendre aussi, inclure dans sa alimentation de l'aloès. Hein, ça peut être du jus d'aloès, ça peut être de l'aloès en faisant par exemple des crèmes avec de l'aloès. Mais comme je disais, il faut vraiment avoir aussi l'alimentation adéquate par rapport à ce problème. Et puis, un grand petit conseil que je peux donner aussi, quand on a ce problème-là, on conseille aussi de prendre des produits verts, les produits verts effectivement dans lesquels il y a beaucoup de fibres, qui va enlever le surplus de sucre dans le sang, manger beaucoup de produits verts et aussi des produits complets. Parce que quelquefois, on mange trop de produits raffinés. Et c'est pour, comme je dis, alors je donne des exemples, le riz, les pâtes, par exemple aussi la pomme de terre. Hein, ce sont effectivement des éléments qui, à la digestion, fait encore du sucre, un apport glycémique. Alors, par rapport à ça, il faut diminuer le plus que possible ces produits et consommer plus de produits complets qui possèdent beaucoup de fibres et qui possèdent beaucoup d'éléments magnésium, calcium et qui va aider dans ce domaine. Ça, c'est très très important et comme je disais, on met à côté son petit jus de grenade, qu'on fera une petite cure, serait sur 15 jours, on peut le faire même par mois, 15 jours par mois et vous verrez le grand bienfait que cela apportera au corps. D'accord? Très bien. Ouais. Merci. Merci beaucoup. Une bonne journée. Au revoir. Nous avons notre appel. Un peu de patience, on vous met à l'antenne. Allô, allô? Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, madame. Oui. Qui est avec nous? Oui, bonjour. J'appelle de Fort-de-France. Ah, très bien. Fort-de-France est au rendez-vous ce matin. Alors, tout. Je disais que Fort-de-France est au rendez-vous ce matin. Ah oui, on écoute, c'est une très belle émission. C'est une très belle émission pour nos fruits locaux. Mm-hmm. Et c'est bien de connaître certaines vertus de ces produits, de ces aliments, de ces fruits et tout. Eh bien, je remercie Dieu que nous avons donné des gens pour nous informer de tous ces produits. Excusez-moi, est-ce que la dame ne peut pas donner son numéro de téléphone personnel aussi? Eh bien, on dirait que vous êtes avec nous parce que c'est exactement ce qu'on s'apprêtait à faire. On va vous donner son contact, Madame Marianne. Son numéro, c'est le 06 96 01 37 01. Facile à retenir. Merci. Ça fait un moment, j'attends ce moment parce que j'ai dit j'ai besoin de parler pour la dame après, comment je vais faire? Et alors, je suis très contente que vous avez donné son numéro de personnel. Je vous remercie. Puis c'est une très, très, très bonne émission. Il faut continuer parce qu'on en a besoin dans cette Martinique. Très bien. Merci. Et partout, pas la Martinique seulement, et partout, même dans la France aussi. Tout à fait. Merci beaucoup pour votre appel. Bonne journée. Oui, alors, il y a un autre appel. Nous avons quelqu'un avec nous. Allô, allô? Allô? Alors, bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Vous appelez de la France? Non, de la Martinique. Ah, voilà, très bien. Mais ça fait toujours plaisir. Alors, qu'est-ce que vous voulez savoir? Alors, je voudrais savoir au niveau des grenades, parce que... Parce que qu'est-ce qui va là maintenant? Oui, oui. Alors, je voudrais savoir, quand on fait le jus de grenade, quand on les achète au supermarché, parce qu'on peut trouver deux sortes de grenades. Il y a des grenades qui sont vraiment sûres, et puis il y a des sucrées. Est-ce que quand on fait le jus, on peut ajouter un petit peu de miel? Bon. Parce que l'acidité, c'est pas tout le monde qui peut supporter l'acidité quand même. Je ne dirais pas qu'il y a l'acidité, il y a plus l'amertume. Pas? Je ne dirais pas qu'il n'y a pas d'acidité dans la grenade, il y a de l'amertume. Comme dire, c'est amer. Il y a une différence. Amer. Il y a des grenades qui sont sûres. J'en ai acheté. Okay. C'était vraiment sûr. C'était vraiment sûr. Je n'ai pas arrivé à manger. C'était très sûr. Oui. Ok, bon, effectivement, parce que bon, effectivement, elle n'était pas mûre, cette grenade. Elle était mûre? Si, c'est au lip service, c'était vraiment rouge. Hein, bon. Ok, d'accord. Bon, alors, mais il faut savoir une chose, d'accord, qui est très importante que je dirais. Il nous faut arriver à dépasser ce stade-là. Mm-hmm. Si vraiment on veut se soigner, moi je suis un petit peu, je vais pas être dure, mais c'est ça, d'accord. Si vraiment on veut se soigner, que ce soit, hein, il nous faut arriver. Quand on a des problèmes d'estomac, quand on ne peut pas manger les choses pour l'estomac. Bon, alors. Je vous dirais, alors, si toutefois, effectivement, bon, c'est assez rare de voir des grenades sûres, bon, c'est vrai que j'ai toujours consommé, même si c'est pas forcément très, très, très sucré, mais un peu, j'ai pas vraiment connu encore des amis de, comment dire, des grenades sûres, mais si, effectivement, la grenade est sûre, si... Vous pouvez augmenter le sucre. Oui, alors, je disais, si la grenade, vous entendez mieux maintenant? Voilà. Ok. Si la grenade, elle est sûre, vaut mieux encore ajouter de l'eau. D'accord. Il vaut mieux ajouter encore de l'eau, hein, pour qu'elle soit un petit peu acceptable au niveau du corps. Mais il faut, comment dire, je ne dis pas bannir le sucre, mais pour vraiment se soigner, vaut mieux le prendre ainsi. D'accord. Mettez un peu plus d'eau. D'accord. Et puis, si toutefois, effectivement, il y a ce problème, vous avez problème d'estomac. Heureusement que vous n'avez pas eu de ça. Vous avez ce problème d'estomac, je disais, il faudrait, quand vous avez pris ce jus, il faudrait manger dessus pour que ça puisse pas rester sous l'estomac. D'accord? Au moins, vous le prenez, mais vous mangez dessus. Mais n'essayez pas de le combler, comment dire, avec du sucre ou du miel, même si, bon, ça peut arriver. Peut-être qu'on se dit, bon, ben, si je veux me traiter, peut-être dans comment dire, la fréquence, peut-être dans des 15 jours que je vais prendre peut-être une fois ou deux fois avec un petit peu de miel. Mais pour que l'effet soit vraiment positif, il faudrait vraiment le prendre tel quel. D'accord? Mettre plus d'eau, hein, un peu plus d'eau, d'accord, mais essayer de le prendre un petit peu, comment dire, pas tellement sucré. Mm-hmm. Okay? Ok. D'accord. Et surtout, si vous avez ce problème, comment dire, digestif, quand vous avez pris ce fruit, hein, mangez dessus, hein, par rapport à vous, je parle, d'accord. Mais si toutefois, quelqu'un n'a pas de problème digestif et sa grenade est bien sucrée, bon, ça passe, d'accord. Et c'est juste l'amertume, vaut mieux, on peut le prendre comme ça, voilà, pas forcément manger dessus, mais pour ceux qui ont des problèmes digestifs, vaut mieux encore manger dessus. D'accord. Ok. Ok. D'accord, je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée. Merci, pareil. Okay, merci. Au revoir. Un autre appel, allô, allô. Allô, allô. Oui, bonjour. Bonjour. J'ai mis encore. Oui. Je voudrais savoir, par exemple, quand on n'a pas de fruits, parce que des fois, il n'y en a pas les fruits naturels par ici. Donc, qu'est-ce que vous pensez du jus qu'on achète en surface? Bon, à défaut, hein, faut pas être non plus trop dur, à défaut, si on ne l'a pas, on va acheter le jus, mais il faudrait bien varier, hein, comme tu dis, ou bien regarder la contenance, il y a certains qui sont, bon, peut-être, je dirais, plus bio, si vous pouvez l'acheter en bio, ce serait encore meilleur, d'accord? À défaut d'eux, on peut prendre un jus de grenade bio. D'accord. Mais si vous avez le fruit, vaut mieux prendre le fruit. C'est d'accord. Mieux, c'est voilà, exactement. D'accord. Oui. Mais surtout, connais. Faites la cure, comme je vous dis. Oui, mais j'ai l'habitude d'acheter en service. Donc, oui. Là, maintenant, il faut que je fasse plus attention à la qualité. Oui, exactement. Parce d'accord. que ça joue aussi. D'accord. Je d'accord. Vous d'accord. Voilà. Merci encore. Merci pour vos appels. 05 96 60 87 42. C'est le numéro à composer. David, tu es avec nous? Je suis toujours là. Tu es là. Alors, dis-nous, tu aimes la grenade? Alors, je ne vais pas mentir, c'est un fruit qui n'est pas forcément mon préféré à cause justement de... Alors, on a parlé d'amertume, hein, si je ne me trompe pas. Mm-hmm. Mais c'est surtout, il y a ce côté un peu acre. Je ne sais pas si c'est le bon terme. Exactement. Qui accroche un peu à la langue. Exactement. Voilà. Et c'est vrai que je n'ai jamais vraiment trouvé beaucoup de plaisir à ni le manger, ni boire le jus. J'ai fait un effort, je fais parfois l'effort, mais j'avoue, je n'achète pas spontanément, malheureusement. Alors, j'espère que maintenant, ça va un peu changer hein, par rapport oui, oui. À toutes les vertus. On peut dire que c'est un fruit d'or. Hein. Je sais, c'est vrai qu'on appelle la grenade, mais si on se met à réfléchir déjà sur ce mot, hein, la grenade, c'est quelque chose, comme on dit, qui est explosif, qui apporte vraiment quelque chose de positif. Hein. Bon, je n'ai pas, comment dire, je suis pas de magasin de grenade, mais dans le sens où je vous dis, faites l'expérience, faites une petite cure au moins de 15 jours et vous direz, ça c'est mon fruit préféré. Donc là, il vaut mieux le manger, le fruit, quoi. Oui, comme je dis, on peut manger le fruit. Hein. Quand je dis on peut manger le fruit, on peut le manger ainsi. Mais si vraiment on veut se traiter, parce qu'on a un problème particulier, c'est différent. Et si chaque matin, on doit partir au travail, éplucher le fruit, manger les graines, d'accord, il faut, comment dire, jouer par rapport aux circonstances. Hein. Alors, si on a déjà son fruit, comment? Oui, je pensais surtout au fait que, bon, par exemple, en région parisienne, c'est un peu compliqué de se procurer des fruits un peu exotiques. Voilà, voilà, exactement. À n'importe quelle saison, ouais. Voilà. Mais sinon, ce fruit, est-ce qu'on quand même le trouve en grande surface? On le retrouve quand même? Oui, on le trouve dans un rayon exotique, mais pas toute l'année, forcément. D'accord. Mais autant que possible, dès qu'on l'a, hein, moi, j'encourage à tout le monde, hein, de pouvoir faire cette petite cure et vous verrez des bienfaits. Hein. Tout ce qu'on a vu au niveau des bienfaits, détox, et anti-âge, on rajeunit. On voit David, on dit, mais après 15 jours, mais David, tu seras tout rajeuni, tout beau. Il a changé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Tu vas rembourser ou pas? Non, mais je vais essayer. Oui. De toute façon, David, je ne te juge pas parce que moi non plus, je ne vais pas te mentir, je ne suis pas très très fan de ce fruit. Mais c'est vrai qu'avec ce qu'on a dit ce matin, je vais peut-être changer mes habitudes. Oui. Je suis content de savoir que tu peux tout faire. Mais je suis là pour vous encourager, pour votre bien-être. Hein. Voilà, je crois qu'on a un appel. On va recevoir nos amis auditeurs. Allô, allô? Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, moi c'est Georges. Bienvenue, Georges. Oui, je prends à l'instant l'émission. Alors, vous parlez du fruit de la grenadine. La grenade, oui. De la grenade, voilà, j'ai dit grenadine. Justement, ce fruit-là vient d'où? Alors, on nous dit que ce fruit, effectivement, je voulais le mentionner, il vient du Moyen-Orient, d'accord? Et, oui. Et puis également du bassin méditerranéen. Mais il faut y a du soleil, de toute façon, là aussi. Voilà, hein? Mais effectivement, nous voyons que maintenant, ce fruit, maintenant, il pousse partout. Hein? C'est vrai que dans tous les rayons, comme dire, les régions chaudes, hein, même tempérées, en certaines tempérées, on retrouve ce fruit. Oui. C'est vrai que c'est un fruit. Oui. Même dans le temps où on en trouvait plus souvent les fruits que maintenant, il était assez rare en Martinique à trouver. Voilà, voilà. Oui. Hein, mais d'où l'intérêt de replanter? C'est vrai que à disparaître, hein, d'où l'intérêt de pouvoir replanter ce fruit? Parce que je peux dire que c'est vraiment un fruit par excellence et qui traite beaucoup de problèmes. Je pense qu'on aurait moins de soucis. Fruits, comment? Il fait partie des fruits rouges. Ouais, des fruits rouges et qui possède des éléments effectivement qui aident beaucoup. Quand on vous dit que ça traite au niveau de tout ce qui est rhumatisme, tout ce qui est tumeur, parce que par rapport au phénomène. C'est pour le sang aussi. Pour le sang, exactement. Hein. Alors, on va chercher quoi? On va chercher, je dis quoi ailleurs? Mais on a une mine d'or entre les mains. D'accord? Oui. C'est pour ça que je dis, il faut dépasser le problème dans le sens où c'est amer, c'est sûr, il y a... Non, c'est ça. Savez, quand on aime sa santé, hein, il faut faire le choix. Je pense que ce qui est efficace est souvent amer. Exactement. Que ce qui est sucré flatte un petit peu la sensibilité. Ça c'est pour le plaisir. C'est sucré, c'est doux, voilà, tout plat, voilà. Aussi, on aime le salé. Ah, c'est salé, c'est bon. Voilà, mais dès que c'est un peu amer et que c'est amer, c'est efficace. Voilà, hein. Effectivement, donc, voilà. Parce que c'est un petit peu humain, mais il faut apprendre à dominer cela, hein, et dire qu'il faut se prendre en main. Hein. Quelquefois, le corps, on est comme un enfant. Alors, je ne veux pas ci, je ne veux pas ça, c'est amer. Non, mais il faut apprendre à dire au corps, non, je suis désolée, c'est vrai que c'est pas bon. On peut l'avouer, hein, c'est amer, mais tu vas le prendre quand même. Mais ça dépend. Mais c'est, parce que il me semble que j'ai déjà goûté de ce fruit, de la grenade, si j'ai pas de mémoire, tellement que c'est assez rare. Mais c'est devenu rare. Mais c'est pas si amer que ça. Oui, mais pour certains, si ça dépend le palais de chacun. Mais... Si on mange le, comment on dit, le kashima, le kashima, ça veut dire que la partie où il y a la peau à l'intérieur, là, c'est assez amer. Peut-être que ça, c'est un médicament aussi, on ne sait pas ce qu'on peut en faire. Oui, bien sûr, bien sûr. Puisque dans les plantes ont toutes les vertus, les plantes qui portent les fruits, ou non, ont des vertus qui sont, voilà, qui ont la précision que seul le Créateur connaît mieux que nous, mais il y a tout dans le... Mais la vie et la terre, c'est un trésor, et puis on a tout gâché. Voilà, hein? Parce que, comme dit, ça vaut le coup d'être debout, de respirer, oui. Comment dire, d'avoir moins de problèmes de douleur, de ne pas passer de nuit blanche. C'est un bonheur, de, comment dire, effectivement, quand on a sa santé. Alors, pourquoi ne pas mettre le prix? Pourquoi, comment dire, il faudrait surpasser un peu cela, d'accord? Alors, que chacun, effectivement, alors, maintenant, c'est le défi, maintenant. Comme je dis, top chrono, chacun prend sa grenade, d'accord? Fait son jus, hein, parce que je reviendrai dans 15 jours pour savoir ce que vous avez fait. Hein, je voudrais que... Parce que c'est ça, le mot. Oui. Pour ceux qui peuvent en obtenir, à moins que vous avez les moyens de... Comment dire, de nous fournir les grenades. Les grenades, bon. Pas pour les faire exploser. D'accord. Bon, le temps passe, on est obligé de l'interrompre. D'accord. Merci quand même pour votre appel. C'est pour les manger. Il s'agit de fouiller. D'accord. Alors, comme le temps court, voilà, on ne peut pas rester plus longtemps. Alors, merci pour ce moment. D'accord. Voilà. Et, mais comme une excellente journée. Et puis, pour l'année nouvelle, eh bien, que la vie de tout un chacun se fructifie dans le bon sens, comme celui qui a fait le soleil et tout. D'accord, merci beaucoup. D'accord, que Dieu aussi vous bénisse. Et comme je disais, d'accord, top chrono, hein, je dirais ainsi, top chrono, je voudrais que tout le monde soit en santé. C'est ça mon but, hein, d'accord. C'est pas simplement faire une émission, juste pour faire une émission, hein, parce que la santé vaut de l'or. Et je vous souhaite autant que possible que vous en profitez. Voilà. Alors, notre temps est terminé pour ce petit échange. Alors, David, tu es toujours là? Je suis toujours là. Voilà, et bien malheureusement nous allons nous séparer, mais écoute, cette collaboration m'a inspiré un petit proverbe que je te lis, tu vas me dire ce que tu en penses. L'amour s'est rapproché les plus grandes distances, il s'est uni parfois le ciel avec la terre. Amen. Ça parle de lui-même, c'est très approprié, et je te remercie, je vous remercie pour cette collaboration, et disponible pour d'autres émissions pendant l'année. Et bien c'était un vrai plaisir d'avoir fait cette collaboration Espérance FM et Advent Life, la radio de la métropole. Tu peux nous donner ton numéro, Madame Marianne, qu'on puisse te contacter si toutefois on a envie d'en savoir plus sur la grenade. D'accord. Alors, merci à tous d'avoir été des nôtres et je souhaite que, par le nom de Jésus, que votre santé s'améliore. Et vous pouvez aussi me contacter, bien sûr, si vous désirez. Bon, je parle de la grenade, mais ça peut être autre chose. Vous avez d'autres petits problèmes particuliers que vous voulez effectivement discuter. Comment, effectivement, arriver à pouvoir se traiter par l'alimentation. Hein. Et alors, pour mon numéro, c'est très facile, hein, c'est le 0696 01 37 01. Alors, 01 37 01. Alors, merci d'avoir été avec nous et que Dieu vous bénisse et bonne santé à tout le monde. On se retrouve dans 15 jours pour la prochaine émission avec Madame Marianne Jacqueline, conseillère en naturopathie. Merci Espérance FM, merci Advent Life. Merci à vous. Okay, au revoir. Bye bye. Bye bye. Au revoir. Découvrez comment entretenir votre santé grâce à votre alimentation dans votre émission Aliments et Bien-être tous les 15 jours, le lundi de 9h à 10h sur Espérance FM en compagnie de Jacqueline. Aliments et Bien-être, que ton aliment soit ton médicament.